Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 4, colonne 5. Fitchburg, Massachusetts. Mesdames Etier et Paradis, ci-devant de Lowell, ont ouvert en cette cité un magasin d'épicerie, farine et toute espèce de viande, en cette cité et sollicitant l'encouragement de leurs compatriotes de Fitchburg. Louis Richardson, âgé de 8 ans, fils de Walter Richardson, de Leominster, s'est cassé un bras à la gare du chemin de fer en jouant autour de convois de marchandises. Monsieur Adolphe Massé, forgeron de Sterling, Massachusetts, est chargé de l'agence de notre journal pour ce village, Clinton et autres localités environnantes. Fitchburg a obtenu un approvisionnement d'eau temporaire de la rivière Nashua en attendant que la pluie vienne au secours de ses réservoirs à peu près vides. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.